Portrait d'assaut sur Fadjet. Dans Portrait d'assaut aujourd'hui, découverte du Nancy Roller Vitesse, le NRV, créé donc en 2012. Et pour nous en parler, nous accueillons en studio Sylvain Baird. Bonjour. Bonjour. Qui est donc président de cette association depuis peu de temps, c'est ça ? Depuis cette année. Depuis cette année, depuis un jeune président. Depuis cet été, en juillet. Le nom de l'association donne le ton, hein, NRV. On comprend que la vitesse tient une part importante dans la sauce ? C'est une part importante. C'est de lier à son histoire et à sa création. Une personne qui était énervée, qui a voulu faire les choses à sa façon. Il a créé le club et puis bon, 10 ans plus tard, on y est encore. Jeune président, mais dans la sauce depuis le début quasiment ? Oui, la création. Alors, s'il fallait présenter en quelques mots Nancy Roller Vitesse, ça donne bien le ton. Comment ça fonctionne aujourd'hui ? Aujourd'hui, on s'est bien calmé. Avec l'âge, la sagesse, elle a. Exactement, exactement, 10 ans plus tard. Ce qu'il faut en comprendre, c'est que c'est un club qui a été créé pour pouvoir adhérer à de nouvelles conceptions, on va dire, du roller de vitesse et de son entraînement. Et finalement, c'est toute une bande d'amis qui a intégré le club pour commencer. Et il y a encore quelques survivants aujourd'hui, notamment dans le bureau, entre la secrétaire qui était là depuis les premières heures et puis moi en présidence, qui était entraîneur initialement, là-haut. Combien d'adhérents aujourd'hui, combien de participants au NRV ? L'année dernière, une petite cinquantaine, et cette année, on est passé à une vingtaine d'adhérents. Mais ça se renouvelle ? Ça se renouvelle, exactement. On a perdu 2 entraîneurs, hein, c'est ce qui justifie la perte des adhérents, mais ce qui fait qu'on a le même volume, finalement, de personnes aux entraînements. On a juste, finalement, moins de créneaux alloués à la semaine aux entraînements, puisque je suis aujourd'hui tout seul en entraîneur. Quand on parle de roller, il y a beaucoup de disciplines qui existent, beaucoup d'accès possibles aussi, que ce soit pour juste du loisir ou même de la compétition. Vous avez un peu tout ça, au fait, dans le club ? Dans le club, nous, du coup, comme c'est écrit dans le titre, on parlera du coup de vitesse. Il y a en effet énormément de disciplines en roller. C'est vrai que la première image quand on a du roller, c'est le roller en fitness, en balade. Mmh. Mais c'est un sport qui est du coup fédéré et qui opère à de nombreux sports au final. On peut voir du roller en hockey, on peut voir du roller pour faire de la saut en hauteur, des courses d'obstacles, de la descente de col. On peut avoir vraiment beaucoup, beaucoup de disciplines. Et nous, aujourd'hui, Nancy, on parle de roller de vitesse. C'est tout ce qui s'apparente du coup à l'endurance, soit de l'endurance sur piste, sur des petites pistes, on va dire de 200 mètres, jusqu'à des endurances marathon qui va être la discipline reine de cette discipline. Sur une distance égale au marathon pour les coureurs à pied ? 42 km, un peu moins d'une heure pour les meilleurs. Pour parler un peu de votre expérience, Sylvain, comment vous avez connu déjà ce sport, le roller ? J'ai connu ce sport par le biais des randonnées roller qui étaient organisées par l'association Roll Vert à l'époque, il y a une douzaine d'années, je dirais, et qui se baladaient en ville. J'ai fait beaucoup de rencontres qui m'ont porté à découvrir ce sport et disons même ces sports. J'ai commencé du coup avec de la randonnée, puis ensuite à faire un peu de roller de vitesse, et j'ai très vite personnellement du coup orienté vers le roller de descente, donc la descente qui est la descente de col, on pourrait dire. Et c'est vraiment ce réseau, cette petite famille qui m'a amené à voyager un peu partout en France. Et finalement, bah, on a découvert beaucoup de régions, beaucoup de personnes, et un peu plus tard que ça, un peu partout dans le monde. Parce que vous avez fait de la compétition. Personnellement, aussi. Oui. Personnellement, alors, oui. Pour parler un peu justement du roller de descente, on est un peu dans du sport extrême là. On est dans du sport extrême. Alors, ce n'est pas du tout les essences du club. Hein. Oui. Le club, nous, on parle vraiment de vitesse. C'est-à-dire qu'on donne des sur cours de plat. Vitesse. Sur du plat, exactement. Donc, de l'endurance. Ma partie, on va dire, ma petite spécificité, c'est que voilà, j'ai opéré en descente, en équipe de France, avec différentes performances à niveau international et une médaille de champion du monde en 2019. Et pour justement continuer cette transmission de connaissances, j'ai décidé de beaucoup beaucoup m'impliquer dans ce club là en reprenant jusqu'à la présidence cette année, et actuellement entraîneur des cours du lundi soir. Et vous avez passé donc du roller de balade, de randonnée au roller de vitesse, de descente. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette discipline que vous pourriez retrouver aussi dans le vélo aussi? On peut aller très vite, on peut descendre très très vite, ou le ski ou autre chose. C'est vrai, on peut aller très vite, on peut aller très vite en vélo, mais on peut aussi aller très vite en roller. non, c'est les gens en fait. C'est les gens, c'est les personnes, c'est mon entourage, ouais. C'est mes amis qui m'ont porté. Et finalement, j'ai toujours été extrêmement attaché à ce lien social qu'il y avait dans cette communauté. qu'on retrouve évidemment dans tous les sports. J'ai simplement un peu plus accroché à cette communauté du roller, ce qui ne m'empêche absolument pas de faire du vélo, de la course à pied ou d'autres sports, évidemment. Je ne suis pas sectaire à ce point-là. Et finalement, on essaye de retransmettre ces valeurs-là au club et on essaye justement de toujours créer et garder cet esprit famille qui, justement, a été, on va dire, la clé de voûte de la création du club il y a une dizaine d'années. C'était d'avoir un club qui soit famille, certes compétitif sur les compétitions pour aller faire du roller de vitesse, mais toujours avec cet esprit de collaboration, d'amitié. Et finalement, le roller dépasse chez beaucoup d'adhérents largement le roller en tant que tel. On se revoit souvent à côté, on fait plein de choses, on s'organise plein de petits voyages de week-end et autres pendant toute la semaine et toute l'année, quoi. Et donc cet esprit familial que vous avez repris du coup en tant que président, c'est un engagement fort aussi. On peut donner votre âge ? On peut donner mon âge, 27 ans. Voilà, 27 ans, déjà président de l'association qui renaît aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux cette année, de tous les âges aussi. À partir de quel âge on peut démarrer ? On a eu des jeunes encore jusqu'à l'année dernière. Finalement, on renaît le mot est grand, puisque on était quand même, on était bien lancé hein, l'année dernière quand même, avec une cinquantaine de licenciés, 5 créneaux, 3 entraîneurs. On avait même en cours d'année ouvert un créneau qui était dédié aux personnes qui étaient débutantes, voulant découvrir et s'initier au roller. Alors là, je parle même plus de roller de vitesse, hein, je parlais vraiment juste de roller. Mais c'est plutôt une année de transition en fait, avec cette prise de, poste en tant que président. Exactement, on est rentré dans une année de transition aujourd'hui, ce qui n'a pas empêché l'arrivée du coup de, on va dire, de bien un quart de nos effectifs, hein, qui étaient jeunes, du coup âgés, entre eux. La plus jeune, elle a 14 ans, j'espère ne pas me tromper, Elise, pas taper sur les doigts. La plus jeune, elle a 14 ans, et ensuite on va avoir 14, 20 ans, aux alentours de ces âges-là, qui se mettent finalement à ce nouveau sport. On apprend assez facilement le roller ? Tout dépend du prof. Bien sûr, ça c'est vrai, ça c'est l'entraîneur, le premier passeur de témoins. Non, je rigole, mais évidemment, non, c'est facile et c'est accessible. C'est vrai qu'on a souvent cette... j'ai souvent été amené vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à des personnes me donnant un peu cette expérience de « Ah ouais, mais moi, plus jamais le roller, j'ai commencé, je suis tombé, je me suis fait mal, j'ai arrêté. » Non, au final, c'est comme dans tout, en fait. Il faut simplement... faire les choses dans l'ordre des étapes. C'est vrai que quand on a un entraîneur, quand on peut justement être un peu encadré, c'est encore mieux. Et l'idée, c'est vraiment de conserver cette progressivité. Et finalement, on se rend compte qu'on y vient très vite. On y vient très vite à devenir à l'aise. On vient très vite justement à commencer à rouler à des vitesses plus que raisonnables et souvent bien plus vite que ce qu'on aurait pu imaginer la première année. Pour donner un ordre d'idée, une personne adulte ou même un enfant, on va prendre les deux extrêmes qu'on a eu l'année dernière, on a eu des jeunes qui avaient, accrochez-vous, 6 ans, débarqué au club, même encore plus jeunes que ça, on en avait un petit de 4 ou 5 ans, j'ai la mémoire me tranche là-dessus, mais ces personnes-là étaient dans le même cours que finalement des personnes adultes qui avaient une trentaine d'années. Même un peu plus d'ailleurs, oui, même 35 bien tapés, les parents des enfants tout simplement ouais. Qui étaient venus avec cette idée un peu préconçue de je vais me faire mal en faisant du roller. Ils ont commencé les cours d'initiation et à raison d'un cours par semaine, un seul cours par semaine, et sur une durée de 7 mois, alors on enlève les vacances, hein, donc finalement ça fait plus beaucoup d'entraînement par semaine. Ils sont passés d'une personne à peine capable de maîtriser leur vitesse à aller faire des tours au petit le petit pump track, donc c'est des pistes avec plein de petites bosses qui permettent de faire des tours de pistes bosselées comme ça sans s'arrêter quand on apprend à naviguer et à gérer les bosses et à être autonome en centre-ville. Donc au final, ça s'apprend facilement à partir du moment où on est dans un bon cadre et qu'on a les bons conseils dès le début. On apprend quoi en premier ? À tomber ? Ça dépend des écoles de patinage, ça dépend aussi des entraîneurs. On apprend à tomber et on apprend surtout en fait à gérer sa vitesse. Moi, je mets un vrai point d'honneur à savoir freiner au final, puisque une fois qu'on sait freiner, l'idée générale qu'il y a derrière ça, c'est de se dire que je vais être en confiance. Je vais pas me laisser dépasser par la vitesse, donc je vais pas paniquer. Et si je panique pas, du coup, je suis en confiance. Et c'est un cercle vertueux qui amène à essayer de nouvelles choses et qui amène justement à être encore plus à l'aise, encore plus autonome au final, donc à se confronter à des difficultés qui sont raisonnées par rapport au niveau de la personne que j'ai en face de moi, et à l'amener vers justement plein de petites prises d'expérience comme ça, à droite, à gauche. Au début ça va être enjambé, après ça va être freiné, il y a évidemment se propulser et se diriger, mais vraiment savoir freiner, c'est quelque chose qui tout de suite enlève cette panique de la vitesse. enlève cette panique de l'équilibre et on se rend compte qu'on accède très très vite à des vitesses raisonnables d'une vingtaine de kilomètres heure pour même pas 3-4 séances ou peut-être un peu plus, je suis peut-être optimiste, mais ça dépend aussi voilà, des personnes, de l'expérience qu'ils ont eue. Et une fois qu'on commence à avoir cette maîtrise, cette assurance, on peut imaginer se lancer dans des compétitions. Vous oui. participez dans le club. Oui, il y a beaucoup ouais. de compétitions et je pousse au maximum justement pour aller en compétition. Alors, de vitesse, finalement, ce qu'on a la chance dans notre sport, c'est d'avoir plein de dérivés du roller d'endurance. C'est-à-dire ouais. qu'on a des courses d'endurance sur des formats en 6 heures en relais. Ou même en 24 heures, les 24 heures du Mans Roller existent, oui, ça existe. Et d'ailleurs, c'est un très grand événement, c'est super sympa à faire. Donc, des courses d'endurance sur des circuits permettent au final à découvrir le roller en compétition sans se mettre la pression d'aller faire un chrono ou ce genre de choses. Mais on peut aussi passer par la voie traditionnelle, comme on pourrait retrouver en athlétisme, à aller faire des semi-marathons, des marathons, des courses sur piste et s'essayer. L'idée, de toute manière, c'est que si on n'essaie pas, on ne peut pas savoir. Exactement, vous l'avez dit, il y a énormément de disciplines qui existent, même du hockey en roller. Oui. La médiatisation de ce sport est trop faible aujourd'hui, surtout une année olympique, le roller, il n'y a pas de roller aux Jeux Olympiques. Je ne dirais pas trop, j'ai souvent tendance à le dire, c'est que trop c'est quand il y a un problème, c'est ouais. très faible, oui en effet. Après c'est le jeu de la médiatisation, c'est-à-dire qu'il faut avoir des personnes qui portent ce sport, il faut avoir un intérêt aussi global, il faut avoir des personnes qui donnent envie de venir participer. Et puis bon, bah, finalement, on a beaucoup de disciplines, donc on a des disciplines qui sont plus ou moins développées. Et puis bon, bah, on a l'échelle française, mais on a aussi l'échelle européenne et puis l'échelle mondiale. Et on se rend compte au final qu'on a des sports qui, comme par exemple le rink hockey, donc finalement c'est du hockey avec les anciens patins qui ont deux roues devant, deux roues derrière sur chaque ouais. pied. Le ring hockey, c'est un sport qui est quasi considéré comme sport national en Argentine. C'est-à-dire qu'en Argentine, ça sort les stades, les écrans géants, des milliers de personnes dans les rues. Pour l'avoir vu de mes propres yeux, c'est assez impressionnant. Et aujourd'hui, bah, on regarde en France, on parle du ring hockey. Bon, oui, d'accord, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Hockey, je connais, ring un peu moins. Voilà, donc c'est simplement qu'on a des sports qui sont plus ou moins portés, qui sont plus ou moins médiatisés. Et on va avoir des sports aussi où il y a plus ou moins de business en fait, derrière tout ça, qui va aller porter des volontés fédérales, qui vont aller porter des intérêts aussi pour les communes, pour ce genre d'institution ici à promouvoir ces sports-là. C'est vrai que c'est peut-être plus facile de vendre un match de hockey ou un match de tennis que de vendre un marathon de roller à Nancy ou ce genre de choses. Mais c'est des choses qui peuvent se faire évidemment. Et c'est toujours très dépendant des personnes qui s'impliquent derrière pour le faire. Et des acteurs qui viennent participer à ces compétitions. Le Nancy Roller Vitesse, bah c'est à Nancy. Dans le Grand Est, il y a d'autres clubs qui existent. Comment c'est représenté dans la région? On en a plusieurs. Pour citer les grands, alors déjà très, très localement, on va ici avoir, dans le Grand Nancy, on va avoir le Nancy Roller Vitesse et on a le club qui est très à côté à Vendeuve, le Roller Skating Vendeuve, qui est aussi un ancien club, qui lui opère vraiment sur la partie Vendeuve. On va avoir des clubs omnisports du côté de Lès-Saint-Christophe, si on élargit un peu le cercle. Après, on va en avoir beaucoup d'autres dans le Grand Est, donc on va avoir des grands clubs comme à Strasbourg, à Bichheim, c'est le BSS, mais alors l'acronyme, j'ai perdu, honte à moi. On va avoir plus du côté de Wittenheim, on va avoir aussi l'asphalte qui va être de ce côté-là, qui bouge énormément, qui a porté, qui a créé plusieurs, on va dire, sportifs et sportives qui sont allés en équipe de France et qui opèrent encore aujourd'hui au plus haut niveau français. On va avoir le club de Bethnéville avec un champion du monde de marathon qui a réussi à se faire financer une piste de roller, une piste de 200 mètres avec un revêtement spécifique qui permet d'organiser des compétitions régionales, possiblement nationales si on se laisse rêver un petit peu, mais il y a les structures pour le faire. Donc ça, c'est super intéressant. Donc là, c'est vraiment les grands. Après, on va avoir plein de petits clubs. C'est vrai que localement, on a tendance à avoir plutôt de facilité à trouver des clubs de roller. Après, ça va être quelle spécialité on va avoir. On va dire que le roller de vitesse, comme c'est la facilité de prendre ses rollers, d'aller sur des voies vertes, d'aller rouler longtemps et vite sans trop s'épuiser, c'est quelque chose qui est facile à mettre en place. Donc c'est des disciplines qu'on retrouve facilement un peu partout dans les villes de France. De manière générale, on a vraiment une représentativité assez générale, assez globale. Il y en a un peu partout. Donc à notre modeste niveau, on essaye d'un peu de médiatiser ce sport. Oui. Si des auditeurs nous écoutent et aient envie de venir essayer, je suppose que c'est possible, découvrir la diversité que vous proposez au sein du Nancy Roller Vitesse, comment ça se passe? Où est-ce que vous vous entraînez en semaine? Alors nous, on va avoir un seul créneau de roller de vitesse. Donc c'est un créneau qui est le lundi soir à 19h30. On se retrouve dans une zone industrielle le long de la Meurthe qui du coup a faible circulation. C'est pas idéal puisqu'on n'a pas de salle dans laquelle se mettre l'hiver. Mais sinon, on est vraiment sur les voies vertes, finalement, un peu comme tout le monde, on pourrait croire. Donc si vous voyez un petit train de petits bonhommes verts, 4-5 personnes les uns derrière les autres, aller très très vite en roller, c'est certainement nous. Et après, le contact le plus facile, c'est de nous appeler, c'est de nous écrire sur la boîte mail. Notre créneau du lundi soir, il est dédié au profil vraiment, on va dire, compétitif des personnes qui ont déjà une expérience de roller et ou une expérience de roller significative, c'est-à-dire déjà d'être autonome dans ses déplacements, d'être capable de venir sur un événement. Et moi, ça sera avec plaisir justement de coacher ces personnes-là. On avait l'année dernière des créneaux vraiment d'initiation, où là, c'était vraiment très dédié pour les primo-patineurs. Oui. Après, il faut absolument pas hésiter à aller contacter les autres clubs et les autres structures pour justement, si on a un peu un doute sur est-ce que je suis vraiment capable, parce que moi, les rollers, j'en mets deux fois par an et puis basta. Voilà. Il n'empêche que notre cours du lundi soir, il reste ouvert et j'adapte le cours au maximum. Donc même si on finit par avoir des fusées passer à côté de nous, vous aurez de toute manière une attention particulière et je pourrais donner des conseils et des cours évidemment. Mais on est quand même centré sur un groupe de compétiteurs et on a un vivier de personnes qui aujourd'hui sont vraiment dans cette mouvance-là. Cependant, on n'est jamais fermé de rien. Eh bien, super. Si on doit faire maintenant un focus sur l'agenda, l'année 2024 pour le club, quelles sont vos attentes? Est-ce qu'il y a des compétitions que vous attendiez particulièrement ou des espoirs? Trouver peut-être une salle aussi, des choses comme ça? Ça, c'est un bel espoir de trouver une salle avec un joli parquet, pas du nylon, comme ça on peut rouler, on n'a pas les roues qui s'enfoncent dedans. Ça serait un très bel objectif cette année. Après, d'un point de vue compétitif, on va avoir les régionales pistes qui vont avoir lieu une fois de plus à Bethnéville, qui est, on va dire, l'objectif annuel pour les adhérents de cette année-là. Mais on se déplace partout en France, notamment sur toutes les compétitions du calendrier fédéral, sur les marathons. On a beaucoup de représentativité sur les marathons. Mmh. On va avoir sûrement beaucoup de déplacements, soit en Belgique, soit en Suisse, sur des j'appelle ça des skate tours, mais c'est des compétitions sur des formats marathon ou parfois c'est semi-marathon. Ouais. Ça dépend du niveau de la personne, de son engagement. Marathon, ça commence déjà à faire une bonne distance. Donc on a beaucoup de personnes qui s'alignent sur des semi-marathons. On va avoir, ça dépendra des qualifications, mais on aimerait beaucoup, ne serait-ce qu'aller voir et aller participer au championnat de France route qui vont avoir lieu du coup à Wittenheim, si je dis pas de bêtises, et qui vont être, donc c'est à 2 heures de route, championnat de France route, ça veut dire qu'on a tous les meilleurs Français qui viennent dans la région sur un circuit routier. Donc là, ça promet déjà de la bonne bataille. Et la petite spécificité qui permet un peu de pimenter tout ça, c'est que les Français sont très certainement l'une des nations les plus fortes aujourd'hui mondialement dans ces disciplines là donc on a des très belles batailles à venir là-haut. Alors, sans dire qu'on va aller jouer les médailles, j'aimerais bien, c'est sûr. Peut-être en catégorie, sûrement en catégorie pour un ou deux patineurs. Mais cependant, ça va être les gros objectifs de l'année. On a des objectifs, on va dire, tierces qui vont être les 24 heures du Mans, par exemple, peut-être en montant une équipe ou deux. Ouais. Ça peut être toujours sympa. Généralement, sur ces événements-là, on essaye de faire du copinage avec les autres clubs. Donc, c'est-à-dire de faire venir des personnes, de faire des équipes mixtes, en fait, au final, pas d'accord. Simplement purement du Nancy. On n'est pas sectaire, on est ouvert à tout le monde. C'est un bel esprit. Exactement. Famille au maximum. Voilà, la grande c'est ça. Famille du roller, on se retrouve tous les ans avec les copains et on accueille toujours beaucoup de personnes. Donc voilà, ça va être les grandes lignes. D'un point de vue présidence, mes attentes, c'est surtout de pouvoir justement essayer soit de trouver un nouvel entraîneur en fait au final pour ouvrir de nouveaux créneaux, parce qu'on a une demande en fait au final, on a une vraie demande. Peut-être moins sur l'aspect compétitif parce que là il est déjà cadré et ça nous est déjà arrivé justement de réorienter des personnes qui nous demandaient de venir au club. Cependant, j'ai personnellement la volonté de continuer à promouvoir le roller localement. à Nancy par des groupes d'initiation en fait au final. Mais c'est voilà, on est tous bénévoles, ça demande du temps, ça demande de l'implication. Donc je suis vraiment ouvert aux personnes, même par exemple des personnes qui seraient en STAPS simplement en entraînement sportif, qui chercheraient justement quelque chose au roller, ça leur parle, ils ont envie de venir, faut pas hésiter quoi, faut nous contacter et puis on trouvera des arrangements. On est très très flexible et on a tendance à justement chercher à beaucoup développer ces côtés-là. Voilà, et découvrir comme vous l'avez fait il y a quelques années le roller et être mordu. Ouais, et au final, 10 ans plus tard, on y est encore. Hein. Pour suivre l'actualité du Nancy Roller Vitesse, il y a le site internet, c'est nancyrollervitesse.fr, surtout les réseaux sociaux, Facebook, Instagram aussi, ouais. Nancy Roller Vitesse, toujours Nancy Roller Vitesse, très facile à trouver. On a peut-être moins d'adhérents, par contre, on a une bonne communication, une belle communication. On a une adhérente qui est particulièrement impliquée là-dedans, donc du coup, c'est sympathique de pouvoir suivre tout ça. On essaye de faire suivre un peu nos compétitions et porter tout ça sur les réseaux, Facebook, Instagram essentiellement. Oui. Et s'il fallait en un mot résumer votre rapport à ce sport, ce serait quoi ? Oh, question compliquée. Ouais. En un mot, ce rapport à ce sport ? La question piège. Ouais, la question piège, c'est difficile de déterminer le rapport. Le sport, de manière générale, c'est un peu toute ma vie. Après, le roller en tant que tel, ça m'a fait voyager personnellement. Non, je dirais un mot, l'amitié. J'ai vraiment fait les rencontres de ma vie dans ce sport-là. Aujourd'hui, même ma carrière professionnelle, en fait, au final, découle soit directement, soit indirectement par ces relations, ces rencontres faites dans ce sport. Merci, Sylvain. Merci à vous. C'était Portrait d'Assaut avec Sylvain Baird, président du Nancy Roller Vitesse. Vous retrouverez cette émission en podcast sur notre site www.fadjet.net. C'était Portrait d'Assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.